Bonjour Adeline. Bonjour François. Alors Adeline, tu nous as déjà parlé lors de ton reportage précédent des terres rares, de leur utilisation au quotidien et de leur impact sur l'environnement. De quoi est-ce que tu vas nous parler cette fois-ci? Je vais cette fois m'attarder sur la localisation des gisements des terres rares et leur impact géopolitique, mais avant évidemment, je vais vous faire un rappel sur qu'est-ce que les terres rares. Les terres rares sont un groupe de métaux malléables, ductiles et mous, certains sont même assez mous pour être coupés avec un couteau. Ils se composent des 15 éléments de la série des lanthanides et deux éléments en plus, le scandium et l'yttrium. Les terres rares ne sont pas si rares que ça. Ce nom leur a été donné au 19e siècle, à l'époque où effectivement ils étaient rares, mais actuellement ce terme peut porter à confusion puisque certains éléments sont même plus communs que le cuivre ou le plomb. De plus, les terres rares sont difficiles à produire, leur méthode d'extraction est très polluante. Il faut un grand nombre d'opérations pour obtenir d'abord la séparation de ces éléments, puis l'atteinte d'un haut niveau de purification, ce qui fait qu'en plus d'utiliser beaucoup d'eau, on va être amené à utiliser des solvants pour l'extraction et on devra recommencer plusieurs fois l'opération jusqu'à obtenir un minerai à 99,9999% pur. C'est quand même incroyable parce que ça dépasse la pureté des produits pharmaceutiques. Effectivement. Les gisements ne sont pas rentables que si on en trouve en grande concentration, puisque les terres rares sont souvent un sous-produit d'une mine dédiée à un autre minerai, comme par exemple le lanthane, du mot grec lanthanein, qui signifie en fait caché en grec, et resté très longtemps, ce qu'on appelle caché entre guillemets, dans l'oxyde de cérium. Pour finir, l'utilisation des terres rares leur confère un caractère stratégique. Les terres rares ont différentes applications et on les retrouve actuellement dans toute l'industrie de haute technologie, civile et même militaire, du baladeur MP3 au missile, en passant par l'éolienne et l'automobile. Mais pourquoi parles-tu au fait de caractère stratégique? Les propriétés des différentes terres rares ont permis le développement d'une multitude d'applications. Effectivement, dans la plupart de leurs applications, les terres rares ne sont qu'en toute petite quantité, mais c'est au point que si on ne mettait pas les terres rares, il n'y aurait pas justement l'existence de ces applications. D'où l'importance stratégique considérable de la filière de production des terres rares. De nombreux secteurs des économies modernes s'effondreraient même en cas de rupture des approvisionnements. Par exemple, les terres rares sont indispensables dans l'aéronautique, l'automobile avec les véhicules hybrides électriques, la défense, la génération d'énergie comme les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, la santé avec les imageries basées sur la résonance magnétique, les technologies de l'information et de la communication. Sans terres rares, pas d'iPod, pas d'écran plasma ni LCD, impossible de produire une voiture hybride ou électrique, pas d'ampoule écologique basse consommation, pour faire plus simple. Sans terres rares, plus de ce que l'on appelle la technologie moderne. Et c'est ce qui fait que ces fameuses terres rares sont des ressources minérales éminemment stratégiques. Parce qu'utilisées en haute technologie notamment. Exact. Mais où se trouvent les gisements des terres rares? Alors, on vient d'expliquer que les terres rares sont des ressources stratégiques. Il est donc normal que les terres rares fassent l'objet d'une communication restreinte. Ce qu'on sait par contre, c'est que fin 2010, les réserves mondiales en oxyde de terres rares étaient estimées à 110 millions de tonnes, dont 50% sont détenues rien que par la Chine, devant la Russie qui en possède 17%, les États-Unis 12% et l'Inde 2,8%. La Chine estime quant à elle détenir seulement 30% des réserves mondiales, plutôt que 50% comme estimé, bien qu'elle fournisse à elle seule 90% des besoins de l'industrie. La Chine se penche également sur les techniques de recyclage de ces fameux terres rares pour éviter d'en gâcher et de pouvoir les réutiliser. La production mondiale d'oxyde de terres rares de la Chine s'est élevée à environ 130 000 tonnes en 2010 à elle seule, constituant un quasi-monopole mondial. L'Inde, qui est quand même le deuxième producteur déclaré, n'en aurait extrait que 2700 comparé à la Chine. Si on réfléchit à ça de plus près, tous nos joujoux de la marque dont le logo est une pomme, on évitera de la citer, oui, effectivement. contient des terres rares extraites de Chine. Donc quand on voit écrit « Made in China », c'est peut-être vraiment « Made in China », même pour les terres rares. Alors, oui. La production de la Russie, des États-Unis et de la plupart des autres producteurs, qui ensemble constituent quand même un cinquième des réserves mondiales, n'est pas communiquée justement parce que c'est stratégique. OK. Mais à part ces pays, est-ce qu'il existe d'autres gisements potentiels? Comme par exemple, est-ce qu'on en a prévu dans le plan Nord du Québec? Probablement que oui, mais vu Oui. que ils n'ont pas encore justement cherché ça, pour l'instant ils cherchent pas que ça. C'est pas OK. que les terres rares OK. qui cherchent dans le Grand Nord. Mais par contre, grosse nouvelle, on a des ingénieurs japonais de l'université de Tokyo qui ont annoncé durant l'été 2011 la découverte de quantités importantes de terres rares dans les fonds de l'océan Pacifique, dans une étude qui a été publiée en juillet 2011 dans la revue Nature Geoscience. Mais moins facilement accessible, là. Voilà, du coup, on est au fond du Pacifique, on Ouais. peut atteindre des profondeurs monstrueuses. Ouais. Les ingénieurs de cette équipe indiquent que cela peut porter le niveau de réserve connu actuel à environ, alors là c'est le chiffre choc, 100 milliards de Oh. tonnes, alors qu'il a été déclaré en 2010 à 110 millions de tonnes. Le groupe de chercheurs indique que les réserves sont réparties sur 78 sites à des profondeurs, et justement on en revient au fait qu'on est dans l'océan Pacifique, entre 3,5 km et 6 km de profondeur. Même si cette découverte est effectivement intéressante, étant donné la demande grandissante de ces matériaux, son extraction pose de nouveau des problèmes environnementaux importants. Et pourquoi cette trouvaille satisfait-elle autant les Japonais si ces métaux ne sont pas rares? Alors, le problème est surtout géopolitique et économique, et concerne d'abord les relations difficiles entre les Nippons d'un côté et les Chinois de l'autre. Le Japon a soif d'indépendance vis-à-vis de son grand voisin, notamment par exemple sur les produits devenus cruciaux pour l'électronique grand public. Et effectivement, on sait que les Japonais sont à la pointe de la technologie Tout à niveau fait. nouvelle technologie, Oui. justement. Pour les autres pays, et même si depuis quelque temps, quelques gisements ont repris leur activité, comme par exemple ici ou aux États-Unis, se défaire du monopole chinois représenterait un soulagement. D'autant plus qu'en octobre 2009, dans le rapport interne du Ministry of Industry and Information Technology, la Chine a déclaré ouvertement qu'à partir de 2012, c'est-à-dire cette année-là, elle souhaiterait réduire les volumes exportables, voire même carrément réserver la totalité de sa production pour son industrie OK. propre. Là, les prix risquent de flamber. Tout à fait. Tout de même, la découverte est de taille. En explorant 78 sites sur les fonds du Pacifique, à des profondeurs quand même comprises entre 3,5 et 6 km, ils ont trouvé des concentrations de terres rares allant jusqu'à 0,2%, alors qu'en règle générale, la concentration est de 0,05. Donc là, c'est plus concentré. Effectivement. Les chercheurs nippons assurent que pour l'un des gisements au moins, imaginons on n'en prend qu'un seul de 1 km², il pourrait couvrir à lui seul un cinquième des besoins planétaires annuels. Donc on imagine la concentration et ce que ça pourrait procurer. Alors que dernièrement la demande était plus importante que l'offre, la découverte japonaise devrait donc s'avérer bien utile. Tu as parlé la dernière fois des dangers environnementaux. Alors, si les Japonais décident d'exploiter les gisements découverts, quel sera l'impact sur la pollution sous-marine? Alors, selon Craig Smith, océanographe de l'université d'Hawaï, interrogé par Nature News, l'extraction de ces fameuses terres rares, qui nécessiterait des bains d'acide forcément pour pouvoir les séparer et les sortir de leur élément hôte, pourrait avoir un impact particulièrement nocif sur les sites hydrothermaux. Ces derniers abritent quand même, dans les fonds marins, des écosystèmes fragiles et composés de nombreuses espèces endémiques. Yasuhiro Kato, un des auteurs de la découverte, forcément, lui assure que le processus ne serait d'aucun danger pour ces fameux sites et ces écosystèmes. Et il dit également que les acides utilisés ne seraient pas reversés dans l'eau, mais on imagine bien tous les pétroliers qui nous ont promis que ça n'attaquerait pas, le nombre de fuites et ainsi de suite. Ouais. Donc, mais de toute façon, pas d'inquiétude pour l'instant, puisque selon un expert japonais interrogé par le Wall Street Journal, la commercialisation de ces fameux terres rares ne commencera pas avant 20 ans. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements, Adeline. Je t'en prie, François. À bientôt. À bientôt.